un an déjà, un an depuis le premier confinement, un an que nous avons pris l'habitude d'abdiquer l'organisation de nos vies, de nos sociétés, à un virus qui a pris d'assaut la planète entière, un an de masques, d'inquiétudes, de séparation de nos proches, de nouveaux variants, un an d'espoir aussi, de recherches scientifiques, d'innovations vaccinales, un an de polémiques sur des remèdes prétendument miracles, sur les options prises par nos gouvernants, un an et après. Comment cette épidémie va-t-elle transformer notre rapport au monde? Que se passera-t-il ensuite, si tant est qu'on arrive un jour à bout de ce virus? Ce sont toutes ces questions et bien d'autres que nous allons aborder avec l'épidémiologiste Antoine Flahaut. Un an de Covid et après, c'est le programme pandémique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Antoine Flahaut. Bonjour Antoine Flahaut. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes médecin épidémiologiste, directeur de l'Institut de Santé Globale et professeur à la Faculté de Médecine de Genève. Vous venez de publier Covid, le bal masqué aux éditions Duno, qui fait donc eh bien, un peu un portrait de cette année que nous venons de passer et de ce que l'épidémie a changé dans la gestion de la crise sanitaire de différents pays, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud. C'est de tout cela dont nous allons parler au cours de cette heure avec vous, mais on commence par notre suivi quotidien de l'actualité du Covid, entre autres, mais des sciences en général. Et c'est avec Antoine Beauchamp pour le Journal des Sciences. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Et on commence justement avec un sujet à propos du Covid qui touche de plus en plus les enfants, et notamment en Île-de-France, Antoine. Oui, c'est ce que montrent les chiffres de l'Agence Santé publique France. Le taux d'incidence, soit le nombre de contaminations détectées pour 100 000 habitants, est en pleine flambée chez les plus jeunes. La situation est préoccupante en Île-de-France, vous le disiez, où la progression est particulièrement saillante pour les enfants de moins de 10 ans. Dans cette classe d'âge, je parle toujours de l'Île-de-France, le taux a été multiplié par 7 depuis janvier et est passé de 129 la première semaine de mars à 281 la semaine dernière. Pour la même période, la moyenne pour toute la France est passée dans cette classe d'âge de 91 à 167. En ce qui concerne les jeunes de 10 à 19 ans, le taux d'incidence en Île-de-France a été multiplié par un peu moins de 5 en 3 mois, atteignant 685. Alors même si les enfants et les adolescents ne font que très rarement des complications en cas de contamination au Covid-19, la situation est à prendre très au sérieux. La fin des vacances scolaires dans la zone C qui inclut l'Île-de-France semble avoir eu un impact sur l'évolution à la hausse de ces chiffres. Voilà, et on verra tout à l'heure la réaction de notre invité du jour, Antoine Flahaut, à ces chiffres sur l'évolution de l'épidémie chez les plus jeunes. Et on en reparlera d'ailleurs très prochainement dans une émission consacrée eh bien, à notre suivi mensuel de cette épidémie de Covid-19. Et on passe au bref. Il y a deux jours était annoncée la découverte d'un variant belge, mais c'est en fait un peu plus compliqué que cela, Antoine. Oui, ce variant toucherait 4% des personnes souffrant de Covid-19 en Belgique et il intrigue les chercheurs à plusieurs titres. D'abord, cette nouvelle souche ne se comporte pas comme les autres. Au lieu de perdre des fragments d'ARN, ce variant concentre de nombreux ajouts, notamment une insertion de 9 nucléotides à la séquence de la protéine Spike. Mais il y a plus. Alors qu'on parle de variant belge identifié par une équipe de l'Université de Liège en juin 2020, la primeur de sa découverte reviendrait en fait à une équipe de l'Université de Tübingen en lien avec des scientifiques de Brazzaville au Congo qui l'auraient repéré dans des échantillons dès avril 2020. Variant belge ou variant congolais, le débat est ouvert. En attendant, une chose est rassurante, ce variant ne porte pas les mutations les plus inquiétantes qui caractérisent les variants anglais, sud-africains et brésiliens. Une étude explique pourquoi nous avons un cerveau 3 fois plus gros que celui des autres primates. Et pour résoudre cette énigme, les chercheurs de l'université de Cambridge ont étudié des organoïdes cérébraux, c'est-à-dire des mini-cerveaux obtenus à partir de cellules souches humaines, de gorilles et de chimpanzés. De la même façon que les cerveaux réels, les organoïdes de cerveau humain se sont développés de façon plus importante que ceux des gorilles ou des chimpanzés. La raison de cela, selon l'étude, c'est le gène ZEB2. Ce gène qui ralentit la production de neurones est activé bien plus tôt chez le gorille et le chimpanzé que chez l'humain. En activant ce gène dans l'organoïde humain, les chercheurs se sont rendus compte que les progéniteurs neuronaux arrêtaient plus tôt leur multiplication. En le supprimant au contraire dans les organoïdes cérébraux de gorilles et de chimpanzés, ils ont obtenu une multiplication des cellules à la hauteur de l'organoïde humain normal. ZEP2 pourrait donc enfin expliquer pourquoi les humains ont un cerveau hypertrophié par rapport aux autres primates. Et en bref, toujours et pour conclure, les toutes premières bactéries auraient été capables de photosynthèse. Et cette découverte pourrait apporter une nouvelle pierre à notre compréhension de l'évolution de la vie complexe sur Terre. On recense deux types de photosynthèse, l'une qui ne produit pas d'oxygène et l'autre qui en produit. On estime que la photosynthèse oxygénique est apparue plus tard que la première, notamment avec l'émergence des cyanobactéries il y a environ 2,5 milliards d'années. Selon les travaux de phylogénétique menés par une équipe de l'Imperial College de Londres, les enzymes capables d'accomplir ce processus clé de photosynthèse oxygénique pourraient avoir été présentes dans les toutes premières bactéries. Quand bien même cette capacité aurait été particulièrement lente et inefficace, il s'agit là d'une preuve que la photosynthèse pourrait être un processus aussi ancien que la vie elle-même. Merci beaucoup Antoine, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine et le journal de la science-fiction. Un mot peut-être justement Antoine Flao sur ces chiffres, sur le taux d'incidence chez les 10-19 ans qui est en train manifestement de flamber en Île-de-France. Oui, on n'est pas très surpris en fait. Les enfants, d'abord il n'y a aucune raison physiologique pour... penser que les enfants transmettraient moins le virus que les adultes. Il n'y a pas de maturation au moment de la puberté qui pourrait expliquer des différences. Donc finalement, on s'attendait à ce que les enfants soient transmetteurs. Ça n'a pas été détecté au départ parce qu'on faisait très peu de tests chez les enfants, parce que comme vous l'avez rappelé dans votre petit reportage, les enfants ne font pas de signes de complications sévères, ne se rendent pas à l'hôpital. Donc lorsqu'il y avait peu de tests, on ne faisait pas de tests aux enfants. Les Chinois ont fait très très peu de tests à Wuhan aux enfants et on pensait que les enfants ne transmettaient pas. Ce qui est pour tous les virus respiratoires très très étonnant. Et donc le fait de voir les enfants transmettre, c'est pas du tout surprenant. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que les adultes, en France, aujourd'hui, et dans toute l'Europe, ont très peu d'occasions d'interaction sociale. Une fois que vous avez supprimé les bars, les restaurants, la vie culturelle, la vie sportive, la vie festive, le couvre-feu, le télétravail, bref, il est difficile d'avoir des contaminations chez les adultes directement. Alors que les contaminations chez l'enfant, qui vivent presque une vie comme avant, qui ont des difficultés certainement à maintenir les distances physique et puis à porter un masque en permanence, se contamine très probablement beaucoup à l'école, à la cantine et en dehors. Mais c'est un sujet intéressant et complexe et c'est fait partie de ces sujets sur lesquels l'expertise scientifique a beaucoup varié au cours de cette année, puisque souvenez-vous, lors du premier confinement, on pensait que, comme pour la grippe d'ailleurs par analogie, que les écoles allaient être des foyers d'infection et de surinfection, et puis on nous a dit après que finalement, c'était sûr et de pouvoir renvoyer les enfants à l'école. Et ça a d'ailleurs été l'argumentaire du gouvernement pour rouvrir les écoles et pour laisser les enfants scolarisés, en tout cas les plus jeunes, puisque on a compris, ou en tout cas on nous a expliqué que c'était pas grave pour les plus jeunes et que ça devenait de plus en plus compliqué, notamment à l'approche de l'adolescence. Ces chiffres-là montrent que, eh bien, non seulement les plus jeunes se contaminent aussi, ça veut dire que nous nous sommes tous trompés collectivement sur la capacité d'infection des enfants et de circulation du virus au sein de ces populations les plus jeunes. Oui, on peut dire qu'on a en effet sous-estimé le rôle des enfants dans la transmission de ce virus respiratoire. On sait pour la grippe que la moitié des infections concernent les moins de 18 ans. Donc c'était connu pour d'autres virus respiratoires très courants. Et il n'y avait pas tellement de raisons, encore une fois, pour que ce soit très différent avec ce coronavirus, mais on ne l'a pas observé. Et le rapport de la mission OMS Chine, la première mission de l'OMS en Chine, était revenu en disant les enfants ne jouent pas de rôle, selon les médecins chinois. Déjà, donc, dès le début de la pandémie. Et donc, on a pensé très tôt que les enfants ne jouaient pas de rôle, n'étaient pas un des maillons de la transmission. Et puis, ce que je dis un peu dans le livre d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que Alors que l'on dit les enfants ne jouent pas de rôle, si vous vous souvenez, au premier confinement, on décide de fermer les écoles. Toutes les écoles ferment. Et puis, petit à petit, on va s'apercevoir que les enfants jouent un rôle, et aujourd'hui, jouent un rôle très important dans cette transmission. Encore une fois, ils restent toujours indemnes de complications sévères, ça reste toujours vrai, mais le fait qu'on reconnaisse qu'ils jouent un rôle fait que les confinements subséquents, le deuxième confinement de novembre, eh bien, on laissera les écoles ouvertes. Quand les enfants ne jouent pas de rôle, on ferme les écoles. Oui. Quand on voit que les enfants jouent un rôle, on les laisse ouvertes. On va revenir en détail sur cette question des enfants, sur comment on a compris et quel est leur rôle exactement. Bref, ce sera le thème central de notre prochaine émission consacrée au suivi de l'épidémie de Covid mercredi prochain. Mais avec vous, Antoine Flamont, on va parler également du Covid, mais on va regarder un peu de manière rétrospective bien cette année qui vient de s'écouler. Et puis on posera à l'aune de cette discussion peut-être quelques pistes sur les mois qui suivent. Mais on commence par un retour par là où tout a commencé. Un an. En décembre 2019, la Chine avertissait le monde de l'apparition d'un nouveau virus. Depuis, 191 pays ont été touchés par la pandémie. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. La chancelière allemande Angela Merkel s'est exprimée en direct à la télévision mercredi soir et a évoqué le plus grand défi qu'ait connu l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. En France, le confinement de la population est entré en vigueur mardi et les forces de l'ordre contrôlent le respect de ces nouvelles règles. Face à la gravité de la situation, le gouvernement français n'exclut pas de prendre des mesures encore plus strictes. À Wuhan, l'activité reprend. Petit à petit, la ville, foyer d'origine de l'épidémie de Covid-19, sort de son repos forcé. La chloroquine est un médicament qui a été très longtemps utilisé contre le paludisme. Elle n'est pas spécifique du paludisme, c'est un médicament qui modifie l'acidité des sacs qui, à l'intérieur des cellules, permettent la digestion des microbes. C'est un médicament, quoi. C'est comme un antibiotique. Voilà, un antibiotique des virus, il ne faut pas chercher midi à 14h. Espagne, Grèce, Slovénie, Allemagne, partout en Europe, les mêmes scènes depuis ce matin. La campagne de vaccination européenne commence. Moment historique pour ces premiers vaccinés, ces anonymes, devenus les visages de la lutte européenne contre le virus, comme ici en Norvège. Je me sens bien, vraiment, un peu comme Armstrong, le premier homme sur la Lune. Voilà, un montage d'actualité fait par notre réalisateur Olivier Bétard. Un an de Covid, un an d'épidémie, évidemment impossible de tout caser en moins de 2 minutes. Antoine Flamont, votre sentiment sur ce montage et sur ce que vous retiendriez, vous, s'il n'y avait qu'une chose à retenir de cette année qui vient de s'écouler? Je pense qu'il y a peut-être deux choses à retenir. Nous sommes en guerre. Je pense que c'était une phrase assez appropriée. Je pense qu'on s'est tous sentis mobilisés. On a en effet tous compris qu'on n'avait qu'un seul ennemi, c'était ce virus, qu'il était retors et qu'il fallait le combattre et qu'il fallait se mobiliser de façon collective contre. Et puis, le vaccin. Moi, je trouve que je n'aurais pas parié, franchement, il y a un an, qu'on aurait un vaccin aujourd'hui. D'habitude, il fallait beaucoup plus longtemps pour développer un vaccin. Et on a des vaccins qui sont d'une efficacité extraordinaire. Hein. C'est une très grande chance. Donc, bien sûr... Après, la logistique qui suit est compliquée, on en est conscient. Mais clairement, on a quand même eu une mobilisation des chercheurs autour de ce virus dans le monde entier qui a permis de faire des bons qualitatifs et quantitatifs impressionnants parce que je pense que les nouveaux vaccins vont probablement changer la vaccinologie moderne également sur d'autres maladies. Donc c'est une avancée certainement qui va être très très précieuse pour le reste des maladies. Oui, dans votre livre, Antoine Flahaut, hein, Covid, le bal masqué, c'est chez Dunod. Vous revenez donc sur cette année. Le livre s'arrête évidemment pour des raisons d'impression en décembre 2020, peu ou prou, c'est-à-dire au début de la vaccination. Et si je le résumais à grands traits, ce qui ressort de sa lecture, c'est effectivement cela, hein, l'effort de recherche, notamment l'effort de recherche vaccinale. Dans ce livre, vous comparez beaucoup les différentes approches des différents pays, notamment en Asie, sur le continent américain et avec l'Europe. Et moi, ce qui ressort de cette lecture, c'est que si on devait mettre en regard la grande réussite qu'est cette recherche vaccinale, le plus grand échec que vous déplorez aujourd'hui, c'est peut-être celui de l'impossible coordination européenne. Oui, je partage votre analyse. Je crois que finalement, les leçons qu'on pouvait tirer des pays qui ont le mieux réussi étaient souvent que ce sont souvent des pays insulaires ou presque insulaires. La Corée du Sud, même l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Taïwan. Et c'était une leçon, et c'est une leçon très importante pour comprendre à quel point l'Europe a besoin d'être coordonnée et unie dans sa lutte contre la Covid-19. Parce que ces îles, pourquoi est-ce qu'elles ont mieux réussi que d'autres? C'est parce qu'elles avaient plus de facilité, bien sûr, à défendre leurs frontières. Alors, ce n'est pas vrai de toutes les îles. Hein. Le Royaume-Uni a eu vraiment une période très, très difficile, même si au jour d'aujourd'hui, justement, elle est en train de tirer les leçons de ses échecs passés et peut-être de ses erreurs passées dans la stratégie adoptée. Mais l'Europe... Il n'était pas question d'imaginer que la Suisse ou la France même, très interconnectée au cœur de l'Europe de l'Ouest, puisse à elle seule prendre des décisions qui auraient ressemblé de près ou d'assez près à celles du Japon, par exemple. Il n'était pas possible d'imaginer... En Suisse, on a besoin des frontaliers français pour faire tourner nos hôpitaux. C'est tout aussi simple que cela, que ce soit à Bâle, que ce soit à Genève ou dans le Tessin. Et donc, vraiment, il fallait une réponse, et il continue à avoir... On a besoin d'une réponse coordonnée, concertée au niveau européen. Elle a eu lieu pour un certain nombre de choses, par exemple pour la distribution du vaccin. Par exemple, l'Agence européenne du médicament a montré son efficacité. Entre Noël et Nouvel An, elle a homologué le vaccin de Pfizer et de BioNTech. Du même jour, tous les pays d'Europe ont eu leur vaccin homologué. Donc la puissance de l'Europe est extraordinaire, mais elle n'est pas assez sollicitée, et notamment... Il n'y a pas de stratégie européenne proposée aujourd'hui, et c'est un énorme dommage. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer une stratégie coordonnée de l'espace Schengen, c'est-à-dire finalement une fermeture, une isolation des frontières, c'est-à-dire finalement, au lieu que chaque pays parte en ordre dispersé et vive ces vagues les unes après les autres, de manière un peu inexorable, il aurait peut-être fallu, dès le départ, dès les premiers cas en Italie, commencer à penser, à réfléchir une stratégie européenne collective. Est-ce que ça aurait été possible, ça, politiquement, selon vous, Antoine Flahaut? Alors, moi, je ne suis pas politique, et je ne me permets pas non plus de faire de donner des leçons ou de dire il y a des yaka et faucons, parce que je pense que c'est compliqué, on le sait bien, et que peut-être qu'au moment où on a eu à faire face à la vague, les Italiens ont en effet été les premiers en Europe, cette vague nous a tous frappé de plein fouet. On peut pas dire qu'elle nous ait surpris totalement. C'est-à-dire que on a probablement perdu du temps au mois de février. Pas grand-chose s'est passé, alors que cette vague attaquait très durement la Chine et qu'il y avait des risques tout à fait clairs qu'elle puisse venir ailleurs qu'en Chine. Mais enfin, peu importe. À ce moment-là, peut-être qu'il aurait été difficile d'imaginer qu'il y ait une concertation européenne sur la réaction. D'autant plus que la riposte a été relativement, non pas coordonnée, mais relativement homogène. À part les Suédois, peut-être on voudra y revenir, mais... Sur la première vague, vous voulez dire? Oui, pardon, sur la première vague. Je parle au moment où l'Italie bien est sûr attaquée. Finalement, presque tout le monde prend des décisions qui se ressemblent. Certes, le Royaume-Uni va un peu tarder pour confiner, de quelques jours, hein, pas de beaucoup. Encore une fois, la Suède va avoir une approche un petit peu différente, mais tous les autres pays vont peu ou prou prendre le même type de décision. Après, les modalités d'installation du confinement ont été différentes. différentes. Et ça, c'est pas très gênant qu'en Europe, on ait des modalités un petit peu différentes. C'est presque un semi-confinement en Allemagne ou dans les pays d'Europe du Nord. Mmh. C'est plus un confinement strict dans les pays d'Europe latine. Mais c'est grosso modo la même chose avec la fermeture des écoles. Il y a à peu près la même réaction. Avec une variabilité culturelle. On va continuer à discuter de cette année, ce regard rétrospectif qui est le vôtre, Antoine Flao. Et on va se poser la question des différents choix qui ont pu être faits et surtout des leçons que l'on peut tirer de cette première année de pandémie. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Vous notez, Antoine Flao, dans votre livre, hein, qu'il y a effectivement une différence de gestion entre les pays asiatiques, d'une part, qui s'en seraient a priori mieux sortis, effectivement, si on regarde les chiffres parlent pour eux-mêmes, par rapport à une gestion européenne que vous venez de décrire, hein, moins organisée, plus désorganisée, plus variable, avec des résultats eh bien, moins probants. Peut-être un bémol là-dessus, aujourd'hui, quand on loue la façon dont la Chine a réussi à endiguer l'épidémie sur son territoire, la Chine a néanmoins, et vous le dites et vous l'écrivez Antoine Flao, une responsabilité assez lourde dans les premières semaines de l'épidémie quand elle commence à être déclarée à Wuhan. Oui, je pense que on a beaucoup glosé sur la date de déclaration à l'OMS fin décembre, le 30 décembre. Peut-être que ça aurait pu être quelques jours avant, mais pas beaucoup. En fait, Li Wenliang, qui était ce lanceur d'alerte, avait lancé son alerte très peu de temps avant. Il a été au courant et la communauté médicale de Wuhan s'est rendu compte d'un problème assez tardivement, enfin, assez, en tout cas de façon assez tardive dans l'année 2019 et certainement dans la deuxième quinzaine du mois de décembre. C'est pas tellement là donc que le retard a été pris. Ce qui est vrai, c'est que après, les choses vont même aller assez vite. C'est-à-dire que l'OMS est prévenue fin décembre, le 30 décembre, et puis le 10 janvier, seulement 10 jours plus tard, la séquence complète du génome du coronavirus est publiée sur Internet et à disposition de tous les chercheurs. C'est exceptionnel. Je veux dire, c'est une réaction qui est quand même à la fois ouverte et intéressante. Et curieusement, il va y avoir 3 semaines jusqu'au 20 janvier avant que l'on dise que cette maladie est à transmission interhumaine. Il y a une dénégation de la part des autorités chinoises pour admettre qu'il y a une transmission interhumaine. Et puis l'Organisation mondiale de la santé ne déploie pas une mission d'expertise, même locale, enfin même à Genève, pardon, pour essayer de dire, mais dans le fond, ces données-là sont-elles encore compatibles avec une transmission qui ne serait pas interhumaine ? Je dirais la conséquence de cela, c'est surtout qu'il y a des avions gros porteurs qui, tous les jours, se posent à Wuhan et repartent de Wuhan dans le monde entier, et en Chine d'ailleurs, et ces avions vont disséminer le virus sur toute la planète. Et vous l'avez rappelé, très peu de temps après, 191 pays vont être concernés par l'infection, par ce coronavirus. Et peut-être, franchement, qu'un principe de précaution de base, tel qu'on le connaît si bien en Europe, aurait été très efficace si on avait réussi à bloquer à suspendre tous les vols vers et en direction de Wuhan à cette période-là, avant de faire toute la lumière sur la transmission interhumaine. Et pourtant, et on voit en termes de diplomatie à quel point c'est complexe, parce que lors des premiers cas en Italie, lorsque l'Italie suspend les vols vers la Chine fait pression diplomatique. Oui, en fait, les pays les mieux préparés à l'émergence d'un virus venant de Chine continentale sont les pays limitrophes de la Chine. Et ceux-là aussi, ils n'attendent pas du tout. Dès le 1er janvier, Singapour, Taïwan, le Japon, Hong Kong même, faites extrêmement attention à tout ce qui vient de Wuhan à ce moment-là, puis après en l'étendant à la région du Hubei et puis à toute la Chine. Ils ne prêtent pas attention aux conséquences diplomatiques possibles que cela peut avoir, parce que pour eux, il est absolument clair qu'il faut faire tout pour ne pas laisser rentrer le virus. Et quand la séquence est publiée, les Japonais les Coréens, les Taïwanais savent tout de suite qu'on est très proche de ce qui s'est passé avec le SRAS, voilà. Et que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que la notion de risque est beaucoup mieux évaluée par les Asiatiques que par les Européens, mais vous avez raison de dire que les Italiens ont été les premiers à réagir vis-à-vis des touristes venant de Chine à ce moment-là. Et on voit, et vous l'expliquez d'ailleurs très très bien Antoine Flahault, dans votre livre, l'avance finalement qu'ont les pays asiatiques parce qu'ils ont déjà été confrontés au SRAS et à d'autres épidémies de type grippal et qu'il y a là quelque chose qui leur donne une avance, en tout cas une réactivité. Vous parlez notamment de Singapour, même si évidemment Singapour est une cité-état de 5 millions d'habitants et qu'on ne réagit pas de la même manière quand on est une cité-état que quand on est une nation de 67 millions d'habitants en France, évidemment, mais il y a un apport culturel qui va faire la différence entre l'Asie et l'Europe. Un mot, Antoine Flahault, sur donc la réaction européenne, la réaction française, ce confinement très dur, ce premier confinement qui est très efficace par ailleurs. Est-ce qu'on a raté à cet endroit, et on en a beaucoup entendu parler, ça a d'ailleurs été le sujet des idées claires la semaine dernière, est-ce qu'on a raté à ce moment-là la stratégie zéro Covid ? Est-ce qu'il aurait fallu aller un cran plus loin pour complètement interrompre la circulation du virus en France à l'issue du premier confinement ? Alors, je vous remercie de cette question, parce que je pense qu'en effet, faire cet arrêt sur image maintenant vaut certainement le coup, parce que peut-être que la question va se reposer dans quelques semaines. En fait, il y a trois stratégies. Il n'y en a pas 10. Il y a trois stratégies pour lutter contre une pandémie. Ça a été d'ailleurs assez bien théorisé et publié en 1999 dans le MMWR, qui est un journal nord-américain libre d'accès. Eh bien, les trois stratégies, c'est ce qu'on appelle en anglais, le terme s'appelle mitigation. Mitigation n'est pas un terme français, vrai, mais c'est ce qu'on appelle le vivre avec. La deuxième stratégie, c'est suppression. Pardon. C'est ce que nous avons choisi, le vivre avec, a priori. Oui, c'est la stratégie européenne. Occidentale. C'est la stratégie de tout l'Occident. C'est la stratégie qu'on adopte d'habitude dans les pandémies de grippe. Donc, nous, on considère que c'est comme une pandémie de grippe. Et donc, on vit avec et on ne va pas faire plus que de se dire, dans le fond, c'est quoi cette stratégie ? C'est se dire, si jamais le système de santé est menacé, alors il faut déployer toutes les armes contre ce virus. Mais tant que le système de santé n'est pas dépassé, il y a d'autres maladies infectieuses sur la Terre, eh ben on bloque pas tout le pays, on laisse vivre, on vit avec, et puis on soigne les gens. Bon. La deuxième stratégie, c'est la stratégie dite de suppression. Suppression, ça veut dire en fait, en français, on va dire de circulation minimale du virus. Ça, c'est la stratégie qu'ont adopté les Coréens ou les Japonais dès le début. Et puis la troisième stratégie, c'est elimination. C'est une stratégie qui vise l'éradication à terme du virus de la planète, mais dans un premier temps, la non-circulation du virus sur son territoire. Et cela, c'est une stratégie que les Néo-Zélandais ont théorisée assez rapidement en disant, nous, on va pas pouvoir supporter sur notre île ce virus, on va tout faire pour qu'il ne circule jamais. Et en fait, on peut dire que tout le monde, ou presque, face au tsunami de la première vague, a adopté la stratégie de mitigation, la première. Même les Chinois. Wuhan, le confinement, c'est vraiment pour essayer de protéger le système de santé qu'ils font ce confinement strict, qu'ils inventent presque. On ne connaissait pas des confinements de tout un pays jusqu'à présent. Et après, toute l'Europe, tout l'Occident va faire la même chose. La question que vous posez est tout à fait exacte. C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes arrivés en juin dernier, juin 2020, à la décrue dans toute l'Europe, dans tout l'espace Schengen, une décrue très profonde. Il n'y avait pratiquement plus de virus. Il y avait moins de 1000 cas par jour en France. On est aujourd'hui à plus de 30 000. Donc là, à ce moment-là, on aurait pu se dire, est-ce qu'il ne faut pas changer de stratégie ? Est-ce qu'il ne faut pas se mettre dans une stratégie de suppression ou d'élimination ? Et on n'a pas fait cela. On a laissé courir le virus, mais pratiquement tous les autres pays, autres que ceux d'Occident, c'est-à-dire le Pakistan, c'est-à-dire le Vietnam, c'est-à-dire les pays que j'ai cités tout à l'heure, mais aussi tous les pays du Pacifique, et même d'ailleurs la Nouvelle-Calédonie, se sont mis soit dans la stratégie de suppression, soit d'élimination et de zéro Covid. Élimination, c'est ce que vous appeliez tout à l'heure le zéro Covid. Mmh. Et en Nouvelle-Calédonie, on est en zéro Covid. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro Covid. Bien sûr. De temps en temps, les mailles du filet peuvent laisser passer de l'étranger un cas qui arrive, mais il est récupéré. Éventuellement, on fait un petit confinement de 2-3 jours, le temps qu'on fasse le clair sur cette chaîne de transmission qui arrive sur le pays, et on s'en débarrasse. Mais une fois de plus, c'est beaucoup plus facile pour des pays insulaires ou pour des pays avec peu de frontières et qui sont pas dans la circulation que l'on peut connaître en Europe et dans l'espace Schengen. Donc est-ce qu'on avait les moyens, est-ce qu'on aurait pu en juin trouver, alors là aussi peut-être un accord ou en tout cas faire en sorte de maintenir extrêmement basse la circulation du virus, ou est-ce que nous avons été insouciants l'été dernier tout simplement? Alors encore une fois, la politique, c'est un exercice extrêmement difficile. Et dans une démocratie, et dans les démocraties européennes, ce n'est pas les gouvernants qui décident de tout. Il faut qu'il y ait un minimum d'adhésion de la population. Et je crois que quand on est tous arrivés au mois de juin, un peu fatigués déjà de ce confinement strict qui a été imposé à toute l'Europe, il était clair que tout le monde avait envie de respirer et que les gouvernants ont laissé faire les choses. En prenant des précautions, les gestes barrières sont arrivés. Le port du masque est devenu obligatoire à partir de ce moment-là dans les transports publics, par exemple en France, mais aussi dans les autres pays européens. Donc un peu partout, on a vu des gestes barrières, quelques précautions, mais quand même un déconfinement assez débridé et un relâchement assez général qui a fait que en juillet, on a vu 5000 cas par jour en France, puis ça a augmenté encore en août, et en septembre et en octobre, on est arrivé à la vague que l'on a connue avec 40 000 cas par jour. Donc il y a eu clairement une volonté de changement de stratégie française qui a été énoncée par le président de la République lors de son discours le 28 octobre. Parce qu'il dit à ce moment-là, si on l'écoute bien, il dit qu'il souhaite passer de 40 000 à 5 000 cas, c'est-à-dire vers la suppression, vers la circulation minimale du virus. Et il propose des éléments totalement inclus dans la stratégie de suppression, c'est-à-dire il propose de revoir les modalités de recherche des contacts, il propose de renforcer massivement l'utilisation de l'application Tous Anti-Covid, et il propose également de revoir de façon plus efficace les modalités d'isolement des personnes malades. La cible ne va pas être atteinte le 1er décembre comme il le fixe, comme il le propose, et il y aura 10 000 cas par jour en France et non 5 000, et on n'entendra plus jamais parler de ce changement de stratégie, on n'entendra plus jamais parler de cette cible de 5000 cas. On va entrer dans un hiver long, comme vous l'avez dit en début d'émission, ce long hiver du plateau élevé des cas de Covid qui ne baisse pas malgré des mesures répétées de confinement partiel que sont le couvre-feu, la fermeture des bars, des restaurants, etc. On va continuer à examiner cette première année d'épidémie avec vous, Antoine Flao. On va essayer de comprendre aussi où nous en sommes aujourd'hui et si ces choix qui ont été faits sont des choix qui ont porté leurs fruits. On va essayer d'examiner aussi bien les victoires, puisque vous en parlez, et notamment celle de la recherche vaccinale. Ce sera dans un instant. Vénus Berry à 16h35 sur France Culture, chien de la chasse comme toujours en soutien à la scène musicale indépendante française. Nous parlons de cette année de Covid que nous venons de traverser en compagnie d'Antoine Flao qui est médecin épidémiologiste, directeur de l'Institut de Santé Globale et professeur à la faculté de médecine de Genève, auteur de Covid, le bal masqué, c'est aux éditions Dunod. Avant d'entendre le reportage du jour, j'aimerais vous entendre Antoine Flao aussi sur une autre particularité française que je qualifierais de psychodrame marseillais. Hein. Vous en parlez dans un chapitre de votre livre. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce que vous appelez la potion magique et quelles leçons retenir de cet épisode malheureux de l'hydroxychloroquine ? Oui, c'est vrai que c'est un épisode malheureux. Malheureux pour la France. Didier Raoult, c'est un très grand chercheur. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ses recherches et ses publications. Il a eu une vision avec son institut hospitalo-universitaire qui était tout à fait appropriée. Il a eu aussi des fulgurances intéressantes en ce début de pandémie, notamment en étant l'un des tout premiers dans le pays à dire qu'il fallait tester et qu'il fallait retrousser les manches pour fabriquer des tests en nombre suffisant. Il a même dit quand on veut, on peut, parce qu'on lui disait qu'on était en pénurie et qu'il ne voulait pas baisser les bras. Donc quelque part, il répondait au mot d'ordre « nous sommes en guerre », mais son tempérament très clivant et son obsession vis-à-vis de la chloroquine, comme on a tous, hein, les chercheurs, on est tous très rapidement obsédés par les découvertes qu'on croit faire. Mais la raison d'être des essais cliniques, c'est justement d'être un juge de paix pour nous départager, nous enlever de ce biais d'enthousiasme que nous pouvons avoir pour nos recherches. Il a refusé de façon assez obstinée les résultats des essais randomisés qu'il aurait pu conduire lui-même s'il trouvait qu'ils n'étaient pas conduits de façon satisfaisante pour valider son hypothèse ou invalider son hypothèse. Et ça a plutôt était contre-productif parce que finalement, même les bonnes volontés qu'il appréciait avaient du mal après à écouter son discours. Son discours a été parasité, si je puis dire, par le problème de la chloroquine qui ne s'est pas révélé. C'était une très bonne idée, la chloroquine. Les très bonnes idées de recherche ne sont pas forcément des idées qui se concluent, mais c'était une très bonne idée parce que ça aurait été, si ça avait été un médicament efficace, on aurait eu quelque chose de très précieux avant d'avoir un vaccin pour traiter les complications de la chloroquine, de la Covid-19. Voilà. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, mais il y avait d'autres points qui étaient très intéressants. Et quand on regarde d'ailleurs la performance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur après la première vague, elle n'est pas très très loin de celle des Allemands ou des Suisses, c'est-à-dire qu'elle est meilleure que celle du reste de la France, parce qu'il a fait plus de tests, parce qu'il y a eu plus de finalement, une méthode qui ressemblait plus au testé tracé isolé des germaniques à ce moment-là. Donc je crois que oui, c'est dommage parce que s'il avait été moins clivant, s'il avait été du coup plus écouté par ses pairs sur ces points-là, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant pour le pays. On va continuer à parler de cette année et de cette année épidémique qui aura été marquée, on l'a déjà dit et on va en reparler, en positif par un effort de recherche considérable, y compris d'ailleurs dans des disciplines qui ne sont pas directement liées à la biologie ou à la médecine. C'est le cas par exemple de la physique qui a contribué à la modélisation et au calcul du taux de reproduction. Et c'est le sujet de votre reportage du jour. Éléonore Pérez, bonjour. Eh oui Nicolas, avant-hier, je suis allée au laboratoire de physique de l'ENS de Lyon où j'ai rencontré Patrice Abri, directeur de recherche CNRS en traitement du signal. Il travaille habituellement sur des données comme le trafic internet ou la circulation des vélos, mais il s'est demandé avec son équipe, au début du premier confinement, comment utiliser leurs compétences au service de l'effort collectif. Ils ont rapidement été rejoints par des scientifiques d'autres disciplines comme la géographie. Patrice Abri nous explique pourquoi, ensemble, ils se sont intéressés au taux de reproduction. Vous savez, c'est le fameux R de T, le nombre d'infections secondaires issues d'une personne infectieuse à un instant donné, qui représente la vitesse à laquelle la pandémie se propage. Pour estimer une quantité comme R2T, il faut trois choses. Il faut des données. Donc il y avait déjà toute une difficulté de trouver les données. Les données qui étaient publiées par Santé publique France sont et restent pas toujours précises ou pas toujours à jour. On avait trouvé des données d'un centre européen qui depuis s'est arrêté à Noël de les produire. Et puis il y a les fameuses données de Johns Hopkins qui sont pas de très bonne qualité mais inutiles finalement parce que c'est les seules qui sont publiées vraiment tous les jours de manière extrêmement robuste. Une fois qu'on a les données, on a besoin d'un modèle qui lie la pandémie et les données. Ce que font, j'imagine, Pasteur et les gens qui sont proches du gouvernement, c'est d'utiliser ces fameux modèles SIR, les modèles à compartiment, susceptibles, infectés, guéris. Mais ils ont l'inconvénient que pour être réaliste, il faut qu'ils soient compliqués avec beaucoup de compartiments. Si on met beaucoup de compartiments, on a beaucoup de paramètres à estimer. Si on a beaucoup de paramètres à estimer, on a besoin de beaucoup de données. Là, il y avait peu de données, elles apparaissaient et elles disparaissaient, elles ne sont pas toujours de bonne qualité. Les données, je vais vous les montrer. Oui, c'est le nombre de nouvelles infections. Donc, tous les week-ends, il y a des valeurs qui tombent très bas. Depuis 3 jours, les données qui sont publiées sont zéro, donc ce n'est pas des vraies données. Donc, si vous voulez, quand on regarde le modèle et les données, eh ben, on peut très facilement construire un estimateur de ce R par un rapport de deux moyennes. Et là, cette estimation, elle est complètement inutilisable parce que le R, il varie brutalement d'un jour à l'autre, de zéro aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de données, à 1,5 il y a 3 jours. Et nous, on avait trouvé un modèle qui se focalise uniquement sur R de T. Donc, qui sont une sorte d'approximation suffisamment réaliste parce qu'elle se concentre justement, si j'ai été infecté aujourd'hui, combien je vais infecter de personnes dans un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc., en moyenne. Et donc la question, c'est est-ce qu'en gardant ces données et ce modèle, qui est donc le cœur quand même d'un modèle d'épidémie, on peut faire mieux que cette estimation? Et c'est là que nous, on a des compétences. On s'est aperçu que le problème de débruiter des données, on s'en était déjà servi récemment en physique, sur des images, cette fois-ci, dans lesquelles il fallait séparer des bulles de gaz à l'intérieur d'un liquide. Un épidémiologiste, quand il regarde le R2T, il veut qu'il varie très très peu d'un jour à l'autre. Et aussi, si on a plusieurs départements, des départements qui ont des frontières communes, le R2T, il ne peut pas être radicalement différent. Donc il faut qu'il y ait à la fois en espace et en temps une sorte de régularité. Et tout le jeu, c'est de dire qu'il faut que ça évolue très très lentement, sauf s'il y a un événement majeur qui arrive, on confine par exemple, auquel cas les données vont changer, et il faut bien que le R2T, on puisse voir qu'il est en train d'évoluer et éventuellement le voir le plus vite possible. Donc ici, la contrainte qu'on a mise, c'est qu'on veut que l'estimation elle soit linéaire par morceau, c'est-à-dire qu'elle évolue tous les jours, soit en étant constante, soit en montant légèrement, soit en montant peu. Sauf que de temps en temps, bah, ça va, au lieu de monter, ça va descendre, et il faut autoriser ces changements. Et donc, pour arriver à satisfaire les données, le modèle et les contraintes, on met tout ça dans une grande fonction, une fonctionnelle, en fait, techniquement, et ce qu'on peut montrer, c'est que cette fonctionnelle va avoir un minimum, et ce minimum, c'est la courbe rouge que vous voyez là, et qui est l'estimateur de R2T. On voit une vraie tendance, un RT qui diminue, qui augmente, etc., mais sur une période de temps plus longue. Donc toute la difficulté, c'est comment trouver ce minimum. Et c'est pour ça que nous, on a choisi de faire de l'optimisation convexe. Ça veut dire qu'on est sûr que le minimum existe, et on est sûr qu'il n'y en a qu'un. Donc il suffit de prendre le temps de suivre la pente, et on va finir par tomber. Du coup, pour que ça soit convexe, on a fait des petites approximations avec le modèle de pandémie. Par exemple, vous voyez, il y a des valeurs aberrantes. Ces valeurs aberrantes, donc les valeurs qui tombent à zéro. Ouais, le dimanche. Voilà, donc on peut dire que ça, c'est une sorte de bruit. Et la question, c'est comment on modélise le bruit. Et donc la façon la plus simple ou la plus classique en traitement du signal, c'est de dire qu'il y a les données plus le bruit. Mais si on écrit ça, on obtient une fonctionnelle qu'on va devoir minimiser, qui est non convexe. Non convexe, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits minimums qu'il va falloir éviter pour trouver le bon. D'accord. Et ça, c'est très compliqué, et surtout, ça coûte très cher en temps de calcul. Et donc, ce qu'on a accepté de dire, c'est que le bruit, il n'allait pas se comporter exactement là, et au lieu de dire que c'était signal plus bruit, on a dit que le bruit, il était ailleurs dans le modèle. L'avantage, c'est qu'on reste convexe, et donc qu'on a une meilleure chance de trouver vite le vrai minimum. Ces résultats-là, on les publie en direct sur une page web, tous les jours, automatiquement. Donc vous voyez, c'est une carte interactive au sens où si vous voulez les infos liées à un pays, vous baladez votre souris et vous avez l'information à la date donnée qui est en termes de population, de R et de nouvelles infections. Est-ce que les politiques publiques françaises utilisent cette méthode ? Je pense, mais je ne suis pas complètement certain qu'ils utilisent ces fameux modèles SIR qu'ils ne mettent plus à jour tous les jours. Donc je crois qu'on peut le faire, d'ailleurs on peut le faire en direct sur Santé publique France. Vous voyez, aujourd'hui il est entre 1,1 et 1,12. Et nous, on est en train de dire on est plutôt entre 1,2 et 1,4. Donc ça, c'est les données de jeudi dernier. Aujourd'hui, on est mardi. Donc je pense que cette tendance qu'on voit, c'est quelque chose qui apparaîtra jeudi. C'est de la modélisation, c'est-à-dire que vous essayez d'approcher, entre guillemets, la réalité. Est-ce qu'il y aurait encore moyen maintenant d'améliorer le modèle ? Il y a plusieurs pistes d'amélioration. On veut pouvoir estimer le RDT aussi bien ici, là, au mois de juin, pour lequel on était vraiment bas en nombre d'infections, qu'au mois d'octobre, où on a frisé les 50 000 infections quotidiennes. Une piste d'amélioration qu'on est en train d'explorer, c'est de rendre l'outil adaptatif à l'intensité de la pandémie. La deuxième piste sur laquelle on travaille, c'est que vous voyez, tout à l'heure, je vous montrais des graphiques où on disait, on vous dit RDT, il est autour de 1,2. Mais en science, on aime bien dire c'est 1,2 plus ou moins quelque chose. Et ça, si vous voulez, c'est, d'une part, c'est intéressant pour la pandémie, mais c'est un vrai travail méthodologique qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire que c'est une vraie question scientifique pour laquelle on n'a pas la réponse. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cet effort de carto et puis d'avoir des codes que maintenant on essaye de partager et d'organiser. C'est que l'idée, c'est d'avoir développé une méthodo qui n'aura pas besoin d'être recréée à l'éventuelle malheureuse prochaine pandémie qui pourrait arriver. Voilà. Voilà, dans les coulisses de la modélisation de ce taux de reproduction, un mot, une réaction, Antoine Flao, à ce reportage ? Oui, je pense que c'est très très intéressant. Ça montre toute l'intelligence qui a été mobilisée autour de cette pandémie depuis un an maintenant, dans tous les pays du monde et dans toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'on a absolument besoin de traverser les disciplines pour pouvoir vraiment produire des résultats les plus fiables possibles. À l'Université de Genève, on a créé un consortium avec les deux écoles polytechniques de Lausanne et de Zurich, et on produit des estimations du R très très très proches avec les mêmes réflexions que l'École normale supérieure de Lyon avait aujourd'hui. Donc je pense que c'est extrêmement important d'avoir ce type de collaboration entre le secteur de la santé et ces secteurs que sont les mathématiques ou la physique. Et il y a d'autres axes interdisciplinaires nécessaires dans cette pandémie, aussi avec les vétérinaires, aussi avec les environnementalistes, avec les climatologues. Mais là, en l'occurrence, je suis tout à fait impressionné par le travail qui a été fait. Un mot d'ailleurs à propos de ces fameux modèles, parce que on a un peu entendu tout et son contraire. La modélisation, pour citer des exemples précis, hein, on a entendu les aruspices de Malheur qui indiquaient que les vacances de Noël en France aboutiraient à une sorte d'holocauste en janvier de contamination, et puis au contraire on a entendu des gouvernants qui eux semblent ne plus du tout tenir compte des chiffres qu'on leur soumet, en tout cas dans ces dernières semaines. Qu'est-ce qui se passe avec les modèles, parce que on a l'impression que ils ont été à un moment donné le fil conducteur de la décision publique, et en même temps on a l'impression aujourd'hui que quels que soient les modèles qu'on puisse soumettre, ils ne rentrent plus en considération dans les prises de décision. Qu'est-ce que c'est que ces modèles, qu'est-ce qu'on peut en dire un an après, est-ce qu'on y a trop cru, pas assez cru, est-ce qu'on les a assez écoutés ou est-ce qu'on les a trop surveillés, Antoine Flao ? Alors, je pense que les modèles ont plusieurs fonctions. Si les modèles permettent de mieux comprendre la pandémie, ils sont très très utiles et très utilisés. Vous savez, aujourd'hui, c'est à partir de la formule mathématique du R telle qu'elle a été... Taux de reproduction, du taux de reproduction du RT, là, qui a été décrit dans votre reportage, que toutes les mesures de politique publique de réponse à cette pandémie sont décidées. Le RT, il est fonction de trois paramètres, de la probabilité de transmission, du nombre de contacts, les interactions sociales, et d'une durée qu'on appelle l'intervalle de génération, peu importe. Mais les deux premiers paramètres sont l'objet des politiques publiques. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de réduire ce fameux RT au-dessous de la valeur 1. Le seuil de 1, c'est le seuil de l'épidémie. Si vous êtes au-dessous de 1, ça ne flambe pas. C'est que l'épidémie est sous contrôle. Donc vous faites tout, et les politiques font tout pour diminuer la probabilité de transmission avec les gestes barrières, pour diminuer le nombre d'interactions sociales avec les mesures de confinement diverses, etc. Donc c'est vraiment... La modélisation mathématique est au centre même de la politique publique. Simplement, après, il y a des tentations qui sont de vouloir laisser courir ces modèles pour faire des prévisions. Mmh. Et nous, je vous disais qu'avec les écoles polytechniques suisses, nous faisons des prévisions tous les soirs, mais nous nous réfrénons à ne pas les faire au-delà de 7 jours, parce que vous savez, on ne peut pas beaucoup se tromper au bout de 7 jours. Après, dans un intervalle de 7 jours, c'est comme pour la météo, on peut se tromper, on se trompe d'ailleurs, mais les conséquences de nos erreurs sont relativement limitées. En revanche, si vous laissez des modèles exponentiels courir dans le temps, ils vont vers l'infini. Donc ils vont très rapidement vers ces scénarios catastrophes dont vous parlez. Et je pense que l'erreur qu'ont commis certaines équipes très brillantes, hein, l'Imperial College est une équipe très brillante, c'est d'avoir laissé courir des modèles sur 3 mois et d'avoir dit, ben, les Suédois, si vous continuez de ne pas confiner, vous aurez 96 000 morts avant la fin du mois de juin. Ils ont dit ça en mars dernier. Eh bien, il y a eu 7 000 morts en Suède. C'était beaucoup plus que tous les pays voisins, mais ça n'était pas 96 000. Donc je pense qu'on dit beaucoup de bêtises quand on fait parler ces modèles en termes de prévision à moyen terme ou à long terme. Il y a un terme en anglais que je ne sais pas bien traduire en français. Le forecasting, c'est la prévision. La prévision, oui. Mais le nowcasting, now, ça veut dire maintenant, hein, nowcasting, c'est prévoir aujourd'hui. C'est exactement dans votre reportage, l'équipe de l'ENS de Lyon fait du nowcasting. Ils ne parlent pas du tout d'autre chose que le taux de reproduction d'aujourd'hui, ou d'hier même. Mais ils ne parlent pas de prévision à 3 mois. Ce qu'ils font et ce qu'ils disent est extrêmement utile, parce que si le R est à 1,20, c'est intenable. On ne peut pas continuer comme ça pendant plusieurs semaines d'affilée. Pour les décideurs, c'est très très très important. En revanche, de dire aux décideurs, au mois de septembre, il y aura tant de décès ou tant de lits occupés, à mon avis, il vaut mieux se taire que de dire des choses comme ça. C'est à peu près pareil que si la météorologie vous disait que dans un mois et demi, il y aura un orage sur Paris. Enfin, je veux dire, personne ne le sait. C'est intéressant parce que, évidemment, on a entendu beaucoup de personnes, de commentateurs, y compris de chercheuses et de chercheurs, faire des prévisions ou en tout cas alerter. On voit bien qu'il y a dans tout cela également l'effet retard de la maladie qui fait que eh bien, les personnes qui sont contaminées aujourd'hui seront hospitalisées si elles ont besoin de l'aide dans une dizaine de jours, que leur cas se dégradera 8 jours plus tard et que la mortalité intervient au bout de 3 semaines, 1 mois. Donc, tout ça décale les chiffres, ça veut dire qu'on peut tout de même se projeter sur les 3-4 prochaines semaines, en tout cas pour la décision publique en termes de charges hospitalières, de charges de réanimation. Oui, vous avez raison, il y a des données qui ont une certaine inertie. C'est vrai dans d'autres disciplines, hein. La démographie, on est capable de dire, de faire des projections de l'accroissement de la population française sur quelques années. Donc tout n'est pas prévisible que sur 7 jours. Et vous avez raison, je suis tout à fait d'accord avec vous que les données de mortalité ou de d'hospitalisation pour cas très sévères en soins intensifs a une certaine inertie et que ça rend la prévision un tout petit peu plus possible, un petit peu plus éloignée. Une autre chose que l'on n'a pas dite, mais que la modélisation apporte et qui était très intéressante, et l'Institut Pasteur a apporté, l'équipe de Simon Cauchemez a apporté des éléments très intéressants au moment du deuxième confinement, qui sont aussi du nowcasting, c'est-à-dire c'est de l'estimation de ce que pourrait être la séroprévalence, c'est-à-dire le taux d'anticorps, en fait, le nombre de gens qui ont été immunisés déjà naturellement avant la vaccination. Hein, et le fait de l'avoir apporté pour toutes les régions françaises était très utile parce que ça montrait déjà que ce n'était pas très élevé. L'immunité collective n'était atteinte nulle part, même pas à Paris. Et en fait, à chaque fois qu'il y a eu des vraies études de séroprévalence, je veux dire, ça, c'est des modèles mathématiques. Les vraies études, c'est de regarder sur des échantillons le taux d'anticorps dans la population. Eh bien, on s'est aperçu que c'était très proche des taux calculés par les modèles mathématiques de l'Institut Pasteur. Donc je pense que c'est des enseignements très intéressants et on ne se projette pas dans un futur très lointain. Un mot pour conclure, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, Antoine Flahaut, sur le présent, hein, puisqu'on parle de nowcasting, on va parler de la situation actuelle en France. Vous le disiez, finalement, le président de la République, Emmanuel Macron, qui déclare la guerre, et vous dites que c'était plutôt une bonne chose à faire pour le premier confinement, même si ça n'a pas toujours été suivi, comme on peut l'entendre aujourd'hui, de conséquences directes ou en tout cas de mise en application d'une politique qui serait une politique martiale. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Vous l'avez dit, finalement, le glissement pour le deuxième confinement vers une stratégie de suppression minimale du virus, mais qui est abandonnée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne comprend plus très bien ce qui est à l'œuvre. On ne comprend plus très bien la nature des notions de confinement intérieur, extérieur, extrêmement souples qui sont mises en œuvre. En revanche, on entend tous les jours des chiffres extrêmement alarmants pour un certain nombre de régions ou de départements, notamment avec un taux de prévalence très très très fort en Île-de-France. Qu'est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui? Quels sont les chiffres qui guident les décisions des pouvoirs publics? Et quel est, à votre avis, ce qu'il serait bon d'entreprendre pour enfin arriver à une réduction du nombre de contaminations? Alors, Toute l'Europe aujourd'hui fait face à une troisième vague. La pression est forte, donc ce n'est pas lié au relâchement des Français en particulier, c'est vraiment toute l'Europe. Ça a commencé en Europe centrale et en Europe des Balkans et de la Méditerranée. L'Italie est peut-être arrivée à son pic, je l'espère pour l'Italie, et la République tchèque également. Et la République tchèque était dans une situation très alarmante en termes de saturation de son système hospitalier. Mais toute la Hongrie, la Bulgarie, la Pologne, tous ces pays subissent une vague qui n'a pas encore atteint son pic. Et le reste de l'Europe, de l'Ouest, est sous cette pression. Et il y a tout lieu de penser que cette vague qui a commencé en France va se poursuivre. Ça va être une vague. Je ne sais pas prédire quelle taille elle va avoir, quelle hauteur et quelle longueur elle va avoir. Mais ce que je peux dire, c'est comme toutes les vagues, elle va finir par retomber. Notamment parce que probablement, à un certain moment, des décisions fortes vont devoir être prises. Et vont Vous pensez qu'elles ne sont pas prises suffisamment fortes pour le moment, en tout cas ? Si, les décisions sont extrêmement fortes. Je crois qu'il ne faut surtout pas qu'on s'habitue à ces décisions. Le couvre-feu depuis le début du mois de décembre, c'est très fort. Ça aurait dû venir à bout de... Et ça serait venu à bout de ce plateau de 10 000 cas élevé, mais qui ne redescendait pas à cause des nouveaux variants. La donne a changé. Au regard de ce qu'on a entendu au début de l'émission, est-ce qu'il faut fermer les écoles ? Est-ce qu'aujourd'hui, le problème principal, c'est de ne pas avoir anticipé, de ne pas avoir fermé un bon coup les vacances de février et étendre un peu ces vacances de février pour faire vraiment retomber une bonne fois pour toutes le taux de contamination ? Bon, alors, je pense que quand en décembre, on était arrivé à 10 000 cas, on aurait pu dire, allez, 15 jours de vacances de plus, et ça fera un mois en tout avec Noël, et peut-être qu'on serait arrivé au-dessous des 5 000 et qu'on aurait pu arriver dans une stratégie de suppression proposée le 28 octobre par le président de la République. Une fois que ça n'a pas été fait, ça n'a pas beaucoup monté, on est resté autour des 10 000 cas, 15 000, bon. Là, à tous les moments, à tout moment, en effet, l'extension des vacances scolaires, qui aurait fermé les écoles de facto pendant un peu plus longtemps au mois de février, aurait sans doute encore pu reprendre la main. Et maintenant qu'on est à 30 000 ou 35 000 cas par jour, ça devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que, bien sûr, il va peut-être falloir un nouveau confinement de type de celui qu'on a connu et qui a marché, comme vous l'avez dit en entrée hein, de cette émission, du mois de mars dernier. Mais personne ne veut en entendre parler pour le moment. Les écoles ont été trop un tabou en France. C'est très bien d'avoir gardé les écoles ouvertes. Je pense que c'est tout à fait possible de penser qu'on garde les écoles ouvertes, mais il faut les sécuriser. Il ne faut pas que les enfants puissent se contaminer comme ils le font actuellement à la cantine. Il faut qu'il y ait une ventilation, un investissement massif dans la ventilation des écoles. Il faut que les enfants soient dehors pour manger, simplement, ou qu'on fasse la cantine différemment. Donc je pense que on ne peut pas négliger la transmission dans les écoles et dans les cantines d'ailleurs, les restaurants d'entreprise aussi. Ce sont les lieux de contamination que l'on peut sécuriser davantage. Un mot pour conclure très rapidement, puisque vous concluez votre livre, Antoine Flahault, par 10 leçons à tirer. On n'a évidemment pas le temps d'entendre le 10. Si vous deviez n'en retenir qu'une seule à nous donner, en quelques mots, quelle serait-elle ? Alors, la leçon de cette année d'épidémie. Mais dans cette émission, j'aurais envie de dire que la connaissance scientifique a primé dans toute cette pandémie sur les populismes, l'obscurantisme, le complotisme. Et je pense que les politiques ont été le plus possible adossés à la connaissance scientifique, et c'est celle-ci, et à ce moment-là, qu'on a réussi à reprendre le contrôle et qu'on a réussi à reprendre la main sur cette pandémie. Et c'est comme ça que je dirais qu'aujourd'hui, on peut caractériser cette pandémie. Écoutons plus les scientifiques, c'est évidemment un message auquel nous souscrivons totalement à la méthode scientifique. Merci beaucoup en tout cas à Antoine Flahault d'avoir fait le bilan de cette année d'épidémie. Je rappelle qu'on peut vous lire et qu'on peut compléter cette émission avec votre livre Covid, le bal masqué. C'est aux éditions d'Uno. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Éléonore Pérez, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Nominagade Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation et Clément Daté à la technique. Demain, c'est un vendredi fiction. Comment réagirions-nous, non pas en cas de pandémie mondiale, mais en cas, je ne sais pas moi, d'attaque d'extraterrestres, ou devant l'émergence d'une nation pirate, ou d'une prise d'assaut de la base de lancement spatial de Kourou. Autant de scénarios parmi ceux qui ne sont pas d'ores et déjà classés défense, développés par la Red Team, un groupe d'auteurs de science-fiction qui met leur imagination au service de l'État, au service de l'armée, pour imaginer les conflictualités du futur. Ce sera le thème de l'émission avec deux membres de la Red Team, demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire. France Culture. L'esprit d'ouverture.